بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة 97: افتخارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتهم لهم. Ok, maintenant la 97e mas'ala, qui est qu'ils se vantent de leur lignée vers les personnes, vers les bonnes personnes, tout en s'opposant à eux. Et هذا يشبه المسألة 19. Ça ressemble à la mas'ala la 19e, qui est انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم لهم, qui s'apparente aux أنبياء, aux prophètes, tout en les contredisant. أو ينتسبون إلى الشيء ومخالفون له. Ça, ce sont des mas'alas qui se ressemblent. فقال رحمه الله تعالى الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. Donc ils se vantent d'être la descendance des Anbiya, comme c'est le cas des Banu Israël. Et Allah SWT a bien dit dans le sens: telle est la communauté qui est déjà passée, et elle ne portera qu'est-ce qu'elle a accompli. Dans le sens, ces Anbiya, ces gens bien, auront ce qu'ils ont accompli. Et vous, même si vous êtes de leur descendance, vous aurez ce que vous avez accompli. C'est-à-dire, ce qu'eux ont fait n'a pas de lien avec vous. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم. Donc justement, les Banu Israël se vantent d'être la descendance des Anbiya, car c'est pas connu, Banu Israël sont la descendance des Anbiya depuis Ishaq. Et les Arabes, les Musta'araba, depuis Ismaïl, alayhi salam. Cependant, ils sont leurs descendants sans pour autant les suivre. La siyama khatim al-Anbiya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa kana al-wajibu alayhim et tabi'uhu. أما أن يقولوا نحن ذرية الأنبياء ويكتفوا بهذا دون أن يتبعوهم فهذا رد الله عليهم بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. Et également, ils auraient dû suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'obligation sur eux. Mais le fait qu'ils disent nous sommes les descendants des Anbiya, ils se contentent de cela, sans pourtant les suivre, Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant le verset cité précédemment. Donc cela ne suffit pas. فقال فالإنسان يعتبر بعمل يعتبر بعمله هو لا بعمل غيره والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق ولكن هذا لا يغني عن ذريتهم إذا لم يتبعوهم فأعمل الأنبياء لهم وأنهم وأنتم لكم أعمالكم. Donc justement, les gens, on les prend en considération par rapport à leurs actes eux-mêmes et pas les actes des autres. Et les prophètes عليهم الصلاة والسلام, ce sont les meilleurs de la création. Et cela ne veut pas dire que leur lignée, plutôt leur descendance, ne doivent pas les suivre. Sous prétexte que tu es le fils d'un prophète, tu n'as pas à le suivre. Le simple fait que tu sois son fils suffit. Comme c'est le cas, par exemple, chez les humains avec les rois. Mathalan, les rois qui donnent le royaume à leur descendance. Il y en a, il dit, moi je suis le prince, j'ai rien à faire, quoi que je fasse, je serai roi de toute façon. Ça, en islam, ça marche pas comme ça, par rapport au NBA. Par rapport aux œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit également que ceux qui se vantent des œuvres de leur père, de leur grand-père, qu'ils étaient des gens pieux, qu'ils étaient des savants, et qui pensent que cela suffit à ce que eux soient également vantés, comme par exemple les gens qui sont liés à la Ahlul Bayt, à la maison prophétique, ils pensent que leur lignée leur suffit, sans qu'ils n'aient besoin de faire d'actes pieux. Et cela, c'est une erreur. Et cela, c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. C'est un peu contraire de la masala qu'on a appris, qu'ils critiquent les gens pour ce qui n'est pas en eux. Par exemple, comme on a dit, on dirait un tel, toi, tu es un tel, mathalan, et ils critiquent par exemple pour l'acte de son père. Ton père, il a fait ça de toute façon, toi. Ou ton frère, il a fait ça, ou ainsi de suite. Il dit, moi, je n'ai rien fait. Ben eux, c'est dans l'inverse. Eux se basent leur personne sur les actes de bien qu'auront fait les autres à qui s'apparentent. طيب ثم قال في المسألة 98 قال افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك Donc, la 90e mas'ala, qu'ils se vantent de ce qu'ils font sur les autres, par rapport à ceux qui sont de moindre rang que eux. Même s'ils voient qu'ils ont un rang plus élevé, ils se vantent de ce rang-là, que ce soit un travail ou un acte, par rapport à ceux qui sont moindres, à plus bas niveau que cela, à leurs yeux. فقال الافتخار بصنائع كافر لأهل الريحتين على أهل الحرف. Donc, par exemple, ils se vantent de ce qu'ils font eux comme acte, comme par exemple les gens qui font les deux voyages, comme dans Surat al-Fil, ceux qui font Surat Quraysh, plutôt, ceux qui font les deux voyages pour le commerce, qui sont le voyage en été et le voyage en hiver. Ces gens-là se vantent par rapport aux agriculteurs, par exemple. Ils se voient meilleurs qu'eux. Tayyib. قال في الشرح الافتخار بصنائع التاجر يفتخر بتجارته على الحرف ولا النجار ولا الحداد والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه من الموظفين. Par exemple, ils se vantent de leur métier. Ils se vantent de ce qu'ils font comme acte. Là, c'est lié à la dunya. Par exemple, le commerçant se vante de son commerce par rapport à l'artisan. Ils se vantent par rapport au menuisier, par rapport au forgeron. Ou le fonctionnaire se vante si jamais il a, on va dire, un échelon plus haut que les autres. Par exemple, le patron se vante sur l'ouvrier. Ou les alika. Le muslim la yahtakir man huwa dunahu. Bel, la yahtakir al-nas umuman. Fa kayfa yahtakir les muslimin li ajli harfihim. Wa annaha duna harfatihim. Hadha min umur al-jahiliya. Donc le muslim n'a pas à mépriser les gens. Il n'a pas à que le muslim n'a pas à mépriser ceux qui sont en dessous de lui. Que le muslim n'a pas à mépriser ceux qui sont en dessous de lui. Et il n'a même pas à mépriser les gens de façon générale. Donc comment un muslim va se vanter de sa fonction par rapport à celle des autres? Ça, c'est parmi les choses de la jahiliya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, justement, a parlé de Quraysh, qui se vantait de leurs deux voyages annuels. Hein, qui faisait pour le tijara, qui sont Rihat al-Shita ou Rihat al-Saif. Quand en hiver, ils vont au Yémen, et en Saif, en été, ils vont au Sham. Donc eux, se vanter sur les gens de cela. Par rapport aux agriculteurs, par rapport aux artisans, réalisadika. Et ça ressemble un peu justement également à ce qu'on trouve chez les Koufars, dans leur système scolaire. Par exemple, quand tu arrives au lycée, Mefalen, pour les Alika, t'as plusieurs voies qui se proposent à toi pour ceux qui ont été, à Mefalen, de moins bons élèves que d'autres. T'as ce qu'on appelle le côté pro. Tu vas en lycée professionnel, pour avoir un bac pro, pour apprendre un métier. T'as ceux qui vont en voie normale, pour avoir, arriver par la suite à de hautes études, arriver à l'université, faire casa et casa et casa, avoir de hauts diplômes. T'en as d'autres qui font un bac pro, par exemple, menuisier. C'est-à-dire qu'il fait des heures de cours, des choses élémentaires, et à côté, il fait des heures pour apprendre ce métier. Et arriver au moment où il a le bac pro, il travaille directement. Et pour les gens, ça, beaucoup de gens, ça c'est une honte. Car ça, c'est le bas niveau. Alors que l'autre qui est en train de faire, hein, je sais pas moi, qui a le bac, après qui prend les autres diplômes qui vont derrière, doctorat et relevalika, c'est beaucoup plus élevé. C'est sûr que dans la dunya, celui qui fait cela, il aura plus grand salaire, quoi. Mais il faut pas savoir une chose, c'est qu'il faut pas se croire meilleur par rapport à ces gens-là. Et même aujourd'hui, on le constate, de ce que j'ai pu voir moi, que les gens qui avaient un métier manuel, surtout lorsqu'on fait la hijra, sont les gens qui sont les plus utiles et les plus recherchés. Les plus utiles et les plus recherchés. On a toujours besoin d'eux. Et ce sont des gens qui se débrouillent très bien. Comme les plombiers, comme les électriciens, comme les menuisiers, tous les gens qui font un métier artisanal comme ça, ce sont des gens, on ne se passe jamais d'eux. Donc ça paraît comme étant rabaissant dans certains pays, mais dans certaines situations, croyez-moi, surtout les muhajirines, ceux qui ont pris ce métier-là, où qu'ils aillent, hamdoulillah, ils arrivent à se débrouiller. Et en plus dans le halal, parce que les gens, ils ont un grand diplôme, des grands diplômes, pour et de hautes études, mais le métier qui s'offre à eux, ils sont plein de mukharafat. Ils pourraient, par exemple, un tabib, un docteur, médecin, tayyib, mais va être amené, peut-être à travailler dans des conditions qui ne sont pas permises. Ils pourraient peut-être, par exemple, je sais pas moi, être quelqu'un qui travaille à haut niveau dans le commerce, et pareil, il sera amené à être exposé à plein de transgressions. Alors que celui qui est électricien, il rentre chez toi, il fait le karlaba, il s'en va. Il est menuisier, il reste dans son atelier. tu lui apportes ta commande, il te fait ça, ça, après tu t'en vas. Il travaille tout seul, il fait sa salawat à l'heure, s'il veut, il met un audio, il écoute du Coran en même temps, il écoute des dolos, alhamdoulilah. Et il pense qu'il lui suffit pour vivre. Pareil pour ces gens-là, alhamdoulilah, moi je conseille les gens qui si jamais doivent apprendre un métier, qui optent pour ce métier-là, car on ne s'en passera pas, et où qu'ils aillent, alhamdoulilah, la Ummah a besoin d'eux. Et même si ce n'est pas un grand salaire, celui qui a la kana'a, qui se suffit de ce qu'il a, alhamdoulilah, il sera heureux. Bismillah ta'ala. Il apprend sa religion. Il évite le haram. Et il le complète le halal. Il apprend sa religion comme il peut. Et il prend son risque à un moustawa raisonnable. Que lui demander de plus? Hada yakfi. Car les gens qui courent derrière Adonia sont les gens qui courent à leur perte, en général. Voilà, alhamdoulilah. Donc, parmi les choses de la jahiliya, c'est de se vanter sur les autres par rapport à les fonctions qui sont accomplies. Même les sœurs, par exemple, qui apprennent des choses, par exemple, t'as plein de sœurs qui veulent être infirmières, qui veulent être dentistes, qui veulent être, on dit, oh, yep, c'est pas mal, tant qu'il n'y a pas de haram derrière, qu'elle puisse faire ses salawat à l'heure, qu'elle puisse porter le hijab, qu'elle n'est pas mélangée à des hommes ou quoi. Mais, de l'autre côté, une sœur qui est couturière chez elle, dans sa maison, et qui fait des vêtements légiférés pour les sœurs, et pour les enfants, car aujourd'hui on trouve presque pas. Les enfants, tout a des soirs, des images partout. Aujourd'hui, une couturière, habile, c'est une chose, c'est une grande ni'ma pour nous. Et faut pas négliger la chose. Tout le monde viendra vers elle. Les sœurs pour qu'elles fassent des jibels pour elles, même les frères qu'elles fassent des sarawil pour eux, ou même des choses, et surtout, les vêtements d'enfants. Une chose sur laquelle on a un grand manque. Aujourd'hui, les vêtements d'enfants, tous, font soit, il y a des chambres de koufar, ou alors il y a des images dedans. Donc une sœur qui a fait un diplôme de couturière, alhamdoulilah, c'est ni'ma azima jiddan. Et ce qu'il a fait, c'est en plus, c'est bi-khidmat ad-din. Quand même, si elle est dentiste, masalan, et qu'il n'y a pas de mukhalafa, dans son loi, il y a jiaha khayran. Que Allah la récompense de la meilleure des récompenses. Mais avant d'arriver à avoir son diplôme, avoir ce poste, par quoi elle est passée? Parce qu'il n'y a pas d'école dentiste pour femmes, sans qu'il n'y a pas de mixité, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas. Alors que couturière, ça c'est faisable, même à la maison. Une sœur t'enseigne la couture, ou ta grand-mère, ou ta mère, ou ta tante, ça on peut l'apprendre à la maison et devenir très habile, sans diplôme, sans cursus scolaire ou quoi, contrairement aux études de la médecine, qui elle, t'es obligé de passer par, même demain, t'as appris le dentiste, cette science-là, par un de tes proches, dans son cabinet, si t'as pas de diplôme, les gens vont pas venir te voir. Parce que les gens, ils regardent le diplôme, ils regardent pas l'habileté de la personne, à l'ASF. Ala kullin. Qala fi al-mas'ala at-tasi'a wa tis'in. La 99e mas'ala. Qala nazratuhum ila ad-dunya nazrat i'jab. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de la dunya, de ce bas monde, qui est une vision qui les rend imbus de leur personne et qui sont accrochés à la dunya. Fa qala rahimahullah ta'ala ghazmat ad-dunya fi qulubihim. كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Donc ils ont un amour immense pour la dunya et ils la voient comme une chose grandiose dans leur cœur. Elle a une grande place dans leur cœur. Comme leur parole dans le sens où Allah a dit, et ils ont dit, si ce Coran seulement avait été descendu sur un homme des deux grandes contrées, cela va venir dans le charh. C'est-à-dire que pour eux, celui qui mérite le wahi doit forcément être un homme de valeur. Quelqu'un de riche, quelqu'un de puissant. Qala fi sharh min masail al-jahiliya azmat ad-dunya fi nufusihim fallazi 'indahu dunya huwa al-'aziz 'indahum wallazi laysa 'indahu dunya dhalilun muhtaqir 'indahum. Parmi les choses de la jahiliya, justement, cet grand amour, cette grande place qu'occupe la dunya dans leur cœur. Donc pour eux, celui qui a une grande place dans la dunya, qui a beaucoup de dunya, c'est lui qui est le puissant. Et celui qui n'a rien, c'est lui, pour eux, c'est quelqu'un qui est bas, qui n'a pas de valeur. Et même dans le message, comme il dit, حَتَّ فِي رِسَالَ أَلَّتِي يَا اِخْتِيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Même dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui il a choisi son message. Pour eux, il faut que ce message soit descendu sur un homme riche. Et pas chez les pauvres. Et ils disent que Allah n'a trouvé autre qu'un orphelin que l'orphelin de Abi Talib, pour l'envoyer aux gens, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'ils ont dit le verset. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a cité leurs paroles dans le verset. وَقَالُوا لَوْ لَنُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنِ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Donc comme là il explique, Al-Qaryatan, Mecca, wa Ta'if. Ce sont ça les deux contrées qu'ils visent par leurs paroles. Et cet homme qu'ils visaient, c'était Al-Walid ibn Mughira, fi Mecca. Ou Habib ibn Amr, al-Thaqafi. Il a été dit également Urwa ibn Mas'ud, fi Ta'if. Donc eux, ils auraient voulu que la Risala vienne sur un de ces gens-là. Et que pour eux, cela est plus convenable. Que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur un homme de haut rang. Et plutôt que cet homme pauvre et orphelin qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi? Parce que pour eux la dunya occupe une place importante et qui donne un statut aux gens par rapport à leur niveau dans la dunya. Wallahu a'lam. Donc leurs cœurs sont extrêmement accrochés à la dunya. Comme a dit Ta'ala, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Qu'ils connaissent un grand côté de ce bas monde, mais qu'ils sont inattentifs à ce qu'il y a dans l'au-delà. Et là, il y a une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Badai al-Fawaid, il dit, لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمال في سم الإبرة. Il dit que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne rentre pas dans le cœur qui a l'amour de la dunya, tout comme ne rentre le chameau dans le trou de l'aiguille. C'est-à-dire qu'on peut pas, ça peut pas s'allier. Quelqu'un qui est accroché à la dunya, qui aime la dunya, et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Là, il parle de l'amour de la dunya qui t'amène à tomber dans les mukhalafat et à faire prédominer ce bas monde sur l'akhirah. C'est ça qu'il vise par là. Donc les gens trop accrochés à la dunya, vous verrez dans leur dîne, s'ils sont des musulmans, ils sont très faibles. Ils sont des gens qui commettent beaucoup de péchés parce qu'ils veulent la dunya. Et la religion à la base amène à des choses qui font que la dunya, si tu l'aimes, tu ne seras pas muwafaq. La religion t'appelle au zuhd, à l'ascétisme, ou à l'adhalika. Et elle a à te satisfaire du peu que tu as et de t'en contenter. Et celui qui n'est pas mayashbar, qui est jamais rassasié, il en voudra toujours plus et là il tombe dans les mukhalafat. Donc ça, c'est un monde de la dunya trop grand. C'est parmi les sifat des gens de la jahiliya. Thumma qal, wa rahmahullah ta'ala, al-mas'ala al-miya al-istidrak wa l'iqtilah ala Allah. Donc là maintenant c'est la centième mas'ala qui est qu'il conteste sur Allah subhanahu wa ta'ala et proteste. Qal, al-tahakkum ala Allah kama fil ayat sabiqa, qui veulent eux-mêmes gérer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, comme cela fut le cas dans le verset précédent, dans lequel où ils ont voulu que la risala, le Coran, descende sur des gens riches et non pas sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ اتَّحَكُمْ عَلَى اللَّهِ, qui veulent eux avoir le contrôle sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et il cita le même verset. يَعْنِي كَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ مَا فِي نَبِيِّهِ مِنَ الصَّلَاحِيَّةِ وَهُمْ يَعْلَفُونَ الصَّلَاحِيَّةِ. C'est comme si pour eux, Allah ne sait pas quel intérêt il y a dans son prophète, quel avantage il y a en tirer, alors qu'eux le savent, soi-disant. Donc ça, c'est parmi le fait de contester, de protester. كما قالوا قال تعالى عنهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, qu'ils ont dit, et pourquoi le Coran n'est pas descendu en une fois, مثلا. Ça aussi ils ont protesté, يعني يتداخلون فيما لا يعنيهم وفيما لا علم لهم به. Donc ils rentrent dans des choses qui ne les concernent pas, qui ne leur reviennent pas et qui ne le regardent pas et dont ils n'ont même pas de science. ثم رد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتون بمثل إلا جنك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على ملك ونزلناه تنزيلا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il explique bien qu'il a fait descendre le Coran pour affermir le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu par étapes. Et qu'il a dit, ils ne viendront avec une telle chose sans que nous venons par meilleur et par la vérité. Et il a dit également dans le sens que ce Coran, nous l'avons fait descendre par étapes sur les gens pour qu'il reste et qu'il soit compris. Et également parmi les fawaïd du fait que le Coran descende par étapes, comme l'a dit le Shir, c'est pour faciliter aux gens le temps de pouvoir l'appliquer. Car si la mêlée était descendue en une seule fois, ils n'auraient pas pu le faire. Et que le Coran est descendu également à des moments appropriés pour pouvoir connaître le jugement qui en tire. À telle situation, pour comprendre pourquoi. À telle situation, pour comprendre pourquoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et c'est lui qui sait comment descend son livre, dans sa création. Donc ces gens-là, se permettent de protester, de contester ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et veulent eux gérer et contrôler. Et que ce genre de afkar chez le muslim, c'est le muslim qui pense comme ça, il l'a mécru. Mais là, chaque fois, l'arrive. Le muslim qui a ça en lui, et t'as des gens qui disent, mais pourquoi il n'y a pas eu ça, pourquoi il n'y a pas eu ça, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait de telle et telle chose. Ça revient à remettre en question l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la révélation. Les prophètes sont infaillibles dans leur transmission de leur révélation. Ils sont infaillibles. Donc celui qui vient protester, à contester, c'est-à-dire qu'il doute. Et là, cela est du kufr. Wa li'a azubillah. Thumma qala fil mas'ala al-hadiyat ba'd al-mi'a. La 101e mas'ala. Ihtikaluhum lil-fuqara. Qu'il méprise les gens pauvres. Fa qala izdira lil-fuqara. Izdira al-fuqara. Fa atahum Allah bi qawlihi wa la tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi. Donc qu'il méprise les gens pauvres, que Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens leur a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne renvoie pas à ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Donc dans le char, le shir dit que cette mas'ala, elle l'a déjà précédée. Que la mas'ala où que ce sur quoi sont les faibles n'est pas la vérité. Elle a dans Ziroha. Donc pour ces gens-là, les pauvres sont des gens qui n'ont aucune valeur. Et ça c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Enfin quand les shir, fil akhir, après qu'il ait cité certaines choses qu'on ne citera pas car ça revient à la même mas'ala déjà prise auparavant. فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ان يقابل بالمقابله الحسنه ويفصح له في المجلس. Donc celui qui suit la vérité même s'il est pauvre, c'est lui qui est le noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui mérite d'être reçu de la bonne façon et qu'on lui élargisse l'assise pour qu'il puisse s'asseoir avec les gens. اما من اعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق التكريم. فهذا لا يستحق التكريم لأنه هو الذي أهان نفسه فيستحق الإبعاد والإقصاء والحج. Quant à celui qui s'est détourné, qui n'a pas accepté la vérité et s'est enflé d'orgueil, celui-là ne mérite pas d'être honoré, car il s'est rabaissé lui-même. Donc il mérite d'être éloigné et d'être boycotté. Hua, aussi riche soit-il et aussi haut soit son rang aux yeux des gens. On l'okmil bil mas'ala al-thaniya ba'd al-mi'a. 102e mas'ala. وهي اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم. C'est-à-dire qu'ils accusent les gens de leur intention. Ils remettent en question leur intention et leurs objectifs et leurs buts. فقال رميهم أتباع الرسول بعد الإخلاص والطلب الدنيا. طيب. رميهم أتباع الرسول بعدم الإخلاص والطلب الدنيا. فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء. Donc eux, ils accusent les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être sincères et de vouloir la dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, dans le sens, que leur compte ne te revient pas. C'est-à-dire, leur compte ne te revient pas. C'est-à-dire que dans leur cœur, ça ne te revient pas à toi. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ فِي شَرْحِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ يَرْمُونَ الْفُقَرَاءَ بِأَنَّهُمْ مَا آمَنُوا إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَطَامِعِ الدُّنْيَا. Donc, parmi les œuvres de légion de la Jahiliya, qu'ils accusent les gens pauvres de n'avoir cru qu'en but d'obtenir une chose de cette dunya. Comme l'a dit Pharaon à Moussa alayhi salam et à Haroun. Qu'est-ce qu'il leur a dit dans le Coran? Il dit quoi? وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. Vous faites cela pour que vous ayez la suprématie sur terre. وَقَالَ كَمَا نُوحْ. Le peuple de Nuh, ils lui ont dit quoi? مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. Il n'est qu'un homme comme vous, il va avoir le dessus. Il veut prendre l'avantage sur vous. Et également, ils accusent un billet de vouloir avoir la royauté, la noblesse, de vouloir avoir le contrôle sur les gens. Akaza. Donc ça, c'est parmi les gens, les sifats de la Jahiliya, qui remettent en compte ton ikhlas, et veulent te faire passer pour quelqu'un qui fait cela pour un intérêt. On le trouve aujourd'hui chez beaucoup de gens de l'islam, malheureusement, qui ont du mépris envers les gens de la sunna, en disant, vous, de toute façon, vous n'êtes pas sincère. Et la moindre erreur que tu fais, ils te salissent. Demain, tu vas faire le moindre péché qui va être au courant, ils vont dire, regardez, lui, c'est un barbu, regardez ce qu'il fait. Ou elle, c'est une survoleur, regardez ce qu'elle fait. Car en réalité, ces gens, ils te méprisent. Et ils sont jaloux de toi. De savoir que Allah t'a wafak pour le stikama et pas eux. Donc la moindre chose qu'ils vont trouver pour te salir, ils vont l'utiliser, malheureusement. Pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Et ça, c'est parmi les sifats de la Jahiliya. Ils vont dire, lui, de fond, ils sont pas sincères, ces gens-là. Ils font tout cela que pour avoir quelque chose. Ils font cela pour éviter les problèmes avec la justice. Par exemple, telle sœur, dans la jahiliya, dans sa jahiliya à elle, ou dans son kufra à elle, dans son époque, on n'était pas dans la droiture, elle a fait des bêtises, mathalan. Après, elle s'est repentie, elle a mis le hijab. Ils vont dire, ouais, mais elle fait ça pour éviter les problèmes avec la justice. Ou pareil pour des frères qui sont en barbe, qui avant, dans leur passé, faisaient des choses qui étaient illégales, mathalan, réalisaient des cas dans les lois, des kufars, ou même qui étaient mauvaises aux yeux des gens. Après, alhamdoulilah, il se convertit, il se repentit, il se met droit. Les gens disent, de toute façon, il fait ça pour éviter les problèmes avec la justice. C'est tout. Il n'est pas sincère. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'est pas sincère? Le contenu des cœurs, c'est que Allah qui le connaît. C'est vrai que maintenant, il y a des signes, des fois, qui amènent à ce que des gens voient, ont doute de leur sincérité. Il y a des signes. Mais eux, ce n'est pas ça qu'ils voient. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils veulent salir ta personne, car, du fond de l'Illah, tu as été moi fort pour l'istiqama et pas eux. Donc ça, c'est du hasad et du higd. Wali'az billah. Donc les masail qu'on a pris aujourd'hui, on a pris le fait qu'ils se vantent de leur lignée, ils se vantent de leur lignée envers les prophètes tout en s'opposant à eux. C'est-à-dire que leur fait qu'ils soient descendants des prophètes leur suffit. Ils n'ont pas à faire de bons actes. Qu'ils se vantent de leur fonction, de leur métier, de ce qu'ils font comme acte dans cette dunya par rapport aux autres. Également, ils ont une vision extrêmement matérialiste, c'est-à-dire pour eux la dunya a une grande place dans leur cœur. Ils sont impressionnés par la dunya. Autre mas'ala, qu'ils protestent et contestent que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Également, qu'ils méprisent les pauvres. Et on a pris pour finir qu'ils accusent les gens de l'hymen dans leur intention et dans leur but. C'est-à-dire que leur foi, pour eux, n'est qu'un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas sincères. Akaza. Fabiad al-Qadim Naktafi wa Nakul Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.